Bienvenue à Méloman, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 8 janvier 2020. Et oui, 2020. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une magnifique année à venir et aussi pour vous remercier d'être au rendez-vous à Méloman encore une fois après une petite pause pour le temps des fêtes. J'espère que vous en avez bien profité. Et nous, ce soir, sans plus tarder, on repart la machine avec un beau varié format classique qui tire dans toutes les directions. Vous le savez, question de se dégourdir un peu. Tout ça, évidemment, au 99.1 et 88.9 CFNJ. d'autres adieux. Je sais bien qu'Alex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves. A shadow forms, by a cloud skimming by, as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming. They told of one who tired of all, singing brazen, brazen. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet. But the cause was lost, now cold winds blow. Far from the north, overcast, ranks advance. Fear of the storm, accusing with rage and scorn. The waves surround, sinking throne, singing crown him, those who love our majesty, show themselves, all bent their knee. To smile, even though his hopes they dashed where offerings fell. then it would be well earned. And we were made in his image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, oh no, no, no. My life keeps moving like a rolling stone. Oh, oh no, no, no. Oh, back to the break. Keeps turning. Oh, what a day. What a day, what a day. The man that knows something knows that he knows nothing at all. Does it seem colder in your summertime and hotter in your fall? If we were made in his image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but they fear us just. Toujours en plein mélomane ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9 avec, comme je vous disais déjà, un bloc qui s'est promené pas mal dans tous les styles. Ça s'est terminé avec un classique d'Erika Badu, une des figures de proue hyper respectée de la néo-soul et du R&B qu'on pourrait qualifier de moderne avec son classique On and On, single de 1996. Qui va apparaître un an plus tard sur son premier album, Baduism, qui va faire sensation lors de sa sortie. Une artiste très originale que je vous encourage à découvrir si c'est pas déjà fait. Très respectée, Erika Badu, et avec raison. Qui suivait ici le roi siffleur. Et oui, c'était quelqu'un qui sifflait ça, mesdames et messieurs. Monsieur Roger Whittaker, qui nous démontrait ses prouesses assez impressionnantes sur le classique Finnish Whistler, alias le siffleur finlandais, ou devrais-je dire finnois. Roger Whittaker, qui, on l'oublie souvent, a pas juste fait mon pays bleu ou un éléphant sur mon balcon, mais qui s'était fait connaître pour son sifflement virtuose, justement, et qui va connaître un succès assez enviable de par le monde, un peu à l'instar d'artistes comme Nana Mouskouri ou Pizzla Clark, par exemple, qui vont chanter, que voulez-vous, quand on fait, à force de chanter dans toutes les langues, on finit par rejoindre pas mal de monde. Ça peut être assez surprenant, la carrière de ces gens-là. Et sinon, juste avant, pourquoi pas un classique de Genesis, époque Peter Gabriel, avec une pièce qui vont longtemps traîner en spectacle et qui va muter en plusieurs versions, des fois beaucoup plus longues, parfois moins. avant de finir dans sa version définitive sur le magnifique Foxtrot de 1972, on a entendu Ken Utility and the Coastliners, une chanson qui fait référence au roi Canute le Grand, roi du Danemark, de l'Angleterre et de la Norvège qui a régné de 1016 à 1035, une chanson que j'ai eu le plaisir d'entendre en fin de semaine par Musical Box, hommage officiel à Genesis que je vous invite fortement à aller voir si vous en avez la chance un jour. Et tout ça amorcé par Françoise Hardy avec Comment te dire adieu en 1968, composition de Serge Gainsbourg, qui suivait le groupe de James Brown en version instrumentale de James Brown Band, qu'on va appeler plus tard tout simplement les JB's, avec The Chicken, qui va devenir plus tard une pièce qu'on va beaucoup associer au virtuose de la basse Jaco Pastorius. Mais là, c'est en version originale qu'on l'a entendu en 1969. Et parlant de 1969, on se transporte sur le tout premier opéra rock de l'histoire. On écoute The Who, 99.1 et 88.9. C'est FNJ.

de Saturday Night Fever avec sa version « If I Can't Have You » des Bee Gees. Mais là, c'est avec la magnifique « Everything's Alright » de Jesus Christ Superstar, évidemment composée par Andrew Lloyd Webber, le roi incontesté de Broadway, qui va aussi être plus tard le mari de Sarah Brightman. Une chanson, Everything's Alright, qui a la particularité d'être composée à une mesure de 5 temps, en 5/4, ce qui est une chose quand même assez rare, j'en parle à l'occasion, ça semble bien pointu, mais il n'y a pas beaucoup de chansons, on pourrait penser à cette chanson-là. Il y a Take 5 de Dave Brubeck, qui était très populaire, ou le thème de Mission Impossible. Mais sinon, des succès en 5/4, là, si on tombe pas dans le monde du rock progressif, c'est quand même assez rare. Puis ça paraît tout naturel dans cette belle chanson-là. Puis le tout amorcé avec Sparks, de l'album Tommy, premier opéra rock, dit-on, de Who, en 1969. Et là, on a parlé de Broadway, on a parlé des Bee Gees. Ben, c'est ça qu'on écoute, 99.1 et 88.9, c'est FNG. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. Ce soir. Mais je pense à ça, on écoute-tu la météo juste avant? Météo. C'est partiellement nuageux cette nuit sur la Nordière, des minimums froids de moins 20 à moins 16 degrés. Jeudi ensoleillé, ennuagement tard en après-midi, maximum de moins 12 à moins 11. Et vendredi nuageux, quelques averses de pluie ou de neige, maximum de 2 à 4 degrés. CFNJ 99 à Et oui, disais-je, toujours en plein méloman, avec un bloc qui vient de se terminer avec une magnifique rareté instrumentale en version originale, s'il vous plaît, soit Maria Elena. Mais en fait, je dis originale, c'était une composition du compositeur mexicain Lorenzo Barcelata, enregistré quelques années avant, en 1958. Mais là, c'est la version la plus populaire, celle qui s'est faite connaître de par le monde en 1963 par le duo brésilien Los Indios Tabajares, deux frères qui, selon la légende, auraient commencé à jouer la guitare en trouvant une guitare sur la plage. C'est le fun d'y croire, même si ça sonne plutôt improbable comme histoire, mais reste que la fluidité de leur jeu a quand même su impressionner la légende de la guitare Chet Atkins, qui va d'ailleurs les inviter à enregistrer un album instrumental avec lui à Nashville. Donc, c'est pas rien à découvrir Los Indios Tabajares, qui suivait ici le groupe Boston avec le doublé Foreplay, suivi de Long Time, extrait de leur tout premier album homonyme, qui va être une véritable révolution sonore, en fait, remplie de prouesses de studio très innovatrices pour l'époque. Beaucoup grâce à Tom Scholz, très perfectionniste, un multi-instrumentiste, qui était pratiquement le seul membre du groupe, en fait, initialement. Mais son dur labeur va finir par payer parce que ça va finir par être un des débuts les plus spectaculaires aux États-Unis avec 17 millions de copies vendues. Et tout ça qui suivait un groupe encore plus big, toujours efficace, les harmonies vocales magnifiques, les hooks en veux-tu en v'là, j'ai nommé les Bee Gees avec en 1975 l'excellente Nights on Broadway. Mais c'est pas fini, on s'en va encore complètement ailleurs. Tout ça, bien sûr, au 99.1 et au 88.9 CFNJ. Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you could dust know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you Join go. The chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As you drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all. Let me bring you all things you find. Galley Heights, lute song served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the frost to take your nail. A singer of these ageless times, with kitchen prose and gutter rhyme. Let me bring you love from the fields.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Saddest thing when it goes away. Saddest thing when it goes away, because love is the saddest thing when it goes away. Thank you. 1989, j'avais 13 ans. Deux rues, trois amis, une guitare, tout mon temps. Des grands rêves, un journal, une peine d'amour. Des jeans patchés, un signe de peace en velours. Souvenirs retrouvés. Sur la joue, un voyage sur le pouce, un trip à Katmandou. À Woodstock, ils ont arrêté la pluie. Le Vietnam éternel. Leurs mots résonnent et on les chante encore. Les mêmes chants s'éveillent en nous. La force qu'il fallait pour se tenir debout. Une fleur dans un fusil peut tout changer. Des airs d'amnistie chantés par. J'avais 13 ans. Deux rues, trois amis, une guitare, tout mon temps. Des grands rêves, un journal, une peine d'amour. Des jeans patchés, un signe de peace en souvenirs retrouvés, il y en a plein au pied carré ce soir à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec, pourquoi pas, un gros hit de 1990 pour Francine Raymond, qu'on oublie un peu trop souvent à mon goût d'ailleurs, grande mélodiste, très bonne guitariste et autrice, compositrice évidemment, on l'entend un peu moins aujourd'hui, mais il faudrait quand même pas oublier qu'elle nous a pondu toute une flopée de hits en très peu de temps dans la fin 80, début 90. Genre d'artiste de qui on connaît pas mal plus de chansons qu'on tend à le penser après ma barre. Bref, Francine, on t'oublie pas. Et Madame Raymond, on l'a entendu ici après un autre grand succès souvenir instrumental, celui-là, soit Apache dans sa version la plus connue ici au Canada, originellement en 1961, par le Danois Jørgen Igman et ses multiples pistes de guitare, même si c'est une pièce du groupe anglais The Shadows originalement. Chose qui suivait Once I Loved, composition du maître de la bossa nova brésilienne Antonio Carlos Jobim, dans sa version certainement la plus connue, parents, en quelque sorte, s'amusent. Astrid Gilberto, épouse de João Gilberto, qu'on a perdu il n'y a pas très longtemps. Tout ça se passait en 1965. On a aussi entendu, 10 ans plus tard, en 1975, Labi Sifra, I got the 3 points, qui signifie en fait I got the blues, un classique du R&B slash soul, longue pièce épique qui va être échantillonnée plus souvent qu'à son tour dans le monde du rap. D'ailleurs, certains d'entre vous auront probablement reconnu ce qui va devenir la fameuse My Name Is, qui va faire connaître Eminem en 1999, et tout ça qui était inexplicablement précédé d'un classique des légendes du prog, Jethro Tull, avec Songs from the Wood en 1977, chose qui faisait changement d'Aqualung ou de Thick as a Brick. Et là, on y retourne avec un bloc complètement différent et complètement disparate, avec un thème bien particulier. Parce que, à moins d'avoir vécu en dessous d'une roche dans les dernières semaines, vous avez sûrement vu les ravages d'une tristesse infinie qu'ont subi nos amis australiens. Eh bien, je me suis dit que ça serait bien peu de choses d'avoir une petite pensée pour eux, faute de pouvoir faire quelque chose d'utile, en explorant quelques-uns des gros hits qui nous ont offert au fil des années. On a entendu les Bee Gees tantôt, qui sont natifs d'Australie, mais il y en a plein d'autres. Évidemment, c'est un clin d'œil, un survol rapide, mais quand même un petit hommage musical à l'Australie, au 99.1 et 88.9 CFNJ. In a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies, I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women go and men wonder? Can't you hear the thunder? You gotta take cover. Fine bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we just flow and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. We'll be right back.

while you're traveling with me. But there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. from Kentar East to Yondabu. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Give it back. How could we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? How could we dance when our world is turning? Et c'était une petite pensée pour nos amis australiens qui vivent des moments difficiles pour plusieurs. Évidemment, un petit survol rapide. On a entendu une chanson de circonstance avec Beds Are Burning, méga hit pour Midnight Oil en 1987. Crowded House aussi, un an plus tôt avec Don't Dream It's Over, qui suivait un doublé qui fut jadis un couple, Nathalie Imbruglia avec son énorme succès Torn en 97, précédé de Anna's Song Open Fire de Silverchair en 99. Nathalie qui a été mariée à Daniel Johns de Silverchair. Petit potin en passant. Et complètement ailleurs, juste avant ça, la seule et unique Kylie Minogue à son retour en 2001 avec Can't Get You Out of My Head. Je vous ferai écouter une version faite par un chœur français. D'ailleurs, un de ces quatre. Et on a aussi entendu, évidemment, NXS en 84 avec Original Sin qui suivait les Easy Beats avec Friday on My Mind, la plus vieille du bloc en 1966. On a connu aussi la version des Oolaps ici au Québec avec Vendredi Mopsed. Et tout ça, bien sûr, amorcé par qui d'autre que les Men at Work en 81 avec Down Under, qui est le nom qui est souvent donné à l'Australie, à tort ou à raison. Évidemment, on aurait pu continuer encore et encore. On y a été de quelques clichés, certains diront, mais au moins on s'est rappelé ensemble la part musicale de l'Australie dont on parlait ce soir. Et laissez-moi arranger juste un petit quelque chose ici. Yeah! Et là, ben, moi, c'est déjà le temps de vous dire, de vous souhaiter une belle semaine. On se donne rendez-vous pour un autre Mélomane mercredi prochain, 20h. Ça m'a fait plaisir de revenir après cette petite pause des fêtes. Et je vous laisse avec un classique de 1973. Timmy Thomas, 99 ans et 88.9 CFNJ. Bonne nuit. why can't we live together? Tell me why, tell me why. Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together? Why can't we live together? Everybody